après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler des Broncos de Humble hier, match qu'on a pu voir à TSN. Les Broncos de Humble qui sont revenus 5 mois après le terrible incident qu'il avait fait, il parlait beaucoup. Il y avait eu 16 joueurs de hockey qui étaient, et entraîneurs qui avaient perdu la vie. Et on en parle avec Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada à Edmonton. Salut Marc-Éric. Bonjour. C'était une cérémonie sobre, dans le fond, hein? Puis c'est bien correct comme de, puis c'est bien correct de même. Ben moi, en fait, ce que j'ai aimé, c'est vous savez, on dépliait les bannières des chacune des victimes. Oui. Comme une bannière à la Coupe Stanley, mais une bannière avec le nom du joueur, avec son numéro et Believe à la fin. Okay. Et moi, j'ai trouvé l'idée extraordinaire parce que la bannière a été dépliée par les premiers répondants du 6 avril dernier, la tragédie de l'accident d'autobus des Broncos de Humboldt qui a fait, bon, 16 morts et 13 blessés. Et, c'est-à-dire, une ambulancière, un policier, un pompier, une agente de la GRC, dépliait chacune des bannières des victimes de la tragédie. Et moi, j'ai trouvé ça très, très de bon goût. Et c'est rare que je lance des félicitations à mes compétiteurs. Okay. Mais j'ai trouvé que TSN, je ne sais pas si vous avez la même idée, était de très bon goût et a fait une très, très bonne émission spéciale sur ce sujet. Mmh. Qui n'est pas facile, hein? Ils n'ont pas fait de show, de gros show, puis en plus, show à la TVA, genre. Puis, non, mais c'est ça, ouais. Puis, c'est Mais c'était sobre, mais c'était, je pense, de bon goût, là. Ouais, moi, j'aime même le ton des animateurs aussi. Le ton, t'es pas. Ben, t'es comme. D'expérience, là. Ouais. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, Danny. Hey, Chris Cuthbert a de l'expérience incroyable. Ray Ferraro comme analyste, Bob McKenzie aussi, une très grande réputation. Et moi, j'ai beaucoup aimé James Doty comme animateur, lui qui a eu comme entrevue la veuve de l'entraîneur-chef, Darcy Hogan, Christina Hogan, qui, elle, il a posé des questions très difficiles, James Doty, et elle était tellement, tellement efficace dans ses réponses, solide, elle a pas pleuré, même si c'était difficile pour elle. Ben ouais. Et quand il a posé la question, bon, comment vont vos fils? Ah, des fois il y a des bonnes, des fois il y a des moins bonnes journées, mais ils savent que papa ne reviendra plus jamais à la maison. Et ça m'a pris au cœur, vraiment, c'était vraiment beau. Ou encore, elle a dit, moi j'aimais autant le hockey que mon mari. Ben ouais, c'est... Mais pour ma santé mentale et pour mon équilibre, c'est mieux que je prenne mes distances avec le hockey au cours des prochaines années. OK. J'ai trouvé ça extrêmement bon de sa part. Je veux te parler aussi du côté de Humboldt. Humboldt, c'est une ville à peu près grosse comme Normandin, à peu près, hein? Est-ce que je me trompe en dessous? Oui, c'est 6 000 personnes, à peu près. C'est 6 000 personnes, OK. Et, 6 000 personnes, et l'équipe qui les affrontait, c'est à peu près ça aussi, là. Nipawin aussi. C'est comme si, que, je sais pas moi, Métabetchouan affronte Normandin. Là. C'est à peu près les villes du même genre. Là. Ouais, oui, c'est, ça, monsieur, à c'est à peu près la Légion régionale, quoi. Ben, c'est à peu près ça. Mais c'est Junior A, puis c'est de très, très haut niveau. Mais contrairement à chez nous, au Lac-Saint-Jean, ces joueurs-là sont beaucoup de... Il y en a seulement quelques-uns de Humboldt. Les autres sont du Manitoba, de la Colombie-Britannique, même des Américains qui jouent. Et ils vivent dans des pensions. Ah ouais, ben c'est... c'est ça, effectivement. Il faut savoir également que la Ligue Junior 1 en Saskatchewan est très, très populaire. Il y a beaucoup de monde qui assiste au... Elle a une meilleure réputation. Hey, vous connaissez bien vos devoirs, Danny, parce que la Ligue Junior 1 à Saskatchewan, qui est l'équivalent de la Ligue 3A au Québec, les gens connaissent bien ça, elle a une meilleure réputation que la Ligue Junior A du Manitoba et la Ligue Junior A de l'Alberta. C'est-à-dire que quand un jeune homme décide de jouer, par exemple, pour les Broncos en Humboldt, il espère recevoir une bourse d'études aux États-Unis. Tandis que la Western Hockey League, qui est comme un peu la Ligue de hockey junior du Québec, c'est que si tu passes sur cette ligue-là, tu ne peux pas recevoir de bourse d'études aux États-Unis. C'est pour ça que les joueurs se tournent. Les joueurs qui sont un peu plus studieux, qui veulent avoir la priorité, ce sont les études et une profession et non pas le hockey, se tournent beaucoup plus vers ces ligues junior A ou 3A au Québec. Martin Saint-Louis a passé justement, lui, par la ligue junior 3A au Québec. Et David Perron. David Perron, il y en a quand même plusieurs. Oui, David Perron qui a passé. Alex Burrows. Par ce choix-là, au lieu le choix de l'autre ligue, pour pouvoir jouer au hockey. Alex Burrows également, Marc-Éric. Oui, c'est vrai, bon point. Oui. Xavier Labelle, c'est le seul francophone qui évoluait avec les Broncos de Humboldt. Lui, il n'est pas revenu. Oui. Comment qu'il va? Parce que je sais que je t'ai lu cet été et il y avait de la misère, je pense, avec la parole, si je ne m'abuse. Comment qu'il va, lui? Oui, il va assez bien. Lui, c'est la parole, mais c'est aussi l'épaule, c'est aussi physiquement. Mais lui... Lui, il est très gêné et sa famille, lui aussi, c'était une certaine confusion parce qu'on l'avait placé mort, lui. On l'avait mal identifié, finalement, avec un autre joueur. Et par la suite, évidemment, bon, lui, la famille l'a beaucoup protégé. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris, je pense, jusqu'au mois de juin avant qu'on puisse, nous, Radio-Canada, lui parler. Et il a donné une seule entrevue. Et pour lui, il nous a demandé de ne plus l'appeler. Il fait son deuil de tout ça et il veut être un peu dans l'intimité de sa famille. Et on respecte ça. Mais lui, c'est un des survivants là. Et lui, était un survivant qui va s'en sortir un petit peu plus que d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont même pas encore retrouvé la voie. D'autres, évidemment, sont paraplégiques. Tandis que lui, ça va prendre un certain temps, parce qu'il avait des difficultés à marcher, mais là, il continue à marcher normalement. Il y a beaucoup d'étourdissements et tout ça, mais ce sera un long séjour dans des centres pour pouvoir reprendre sa vie normale, comme reprendre à manger avec sa fourchette, des choses comme ça. Mais il va s'en sortir, je pense, assez bien. Okay. Oui. Moi, je voudrais savoir, puis c'est ça que ça n'a pas été couvert beaucoup dans l'Est, on n'a pas entendu parler. Les Broncos de Humboldt, après l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait, les joueurs qu'on a vus hier, là, sur la glace, ils ont fait un repêchage spécial, quoi? Comment ils ont fait? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La Ligue Major du Québec, là, vous avez des repêchages des joueurs d'âge midget, d'antan, tout ça. Tandis que la Ligue Junior A, ça y va par le recrutement. Ça y va par, évidemment, l'entraîneur-chef et le directeur général vont voir des joueurs, discutent avec les autres ligues. Comme par exemple, lui qui a marqué le premier but des Broncos hier, Michael Clark, il jouait l'an passé dans la Ligue Junior A, dans sa ville, il est de Calgary, il jouait pour les Canucks de Calgary, Junior A. Mais bon, lui, pour des raisons, il a décidé de relever le défi et d'aller jouer dans la Ligue Junior A de la Saskatchewan. Et c'est comme ça. Et aussi, le poste de président, c'est un poste bénévole. Le président, l'ancien président, c'est un ancien directeur d'une commission scolaire. Et là, eh bien, c'est un nouveau président là qui s'appelle M. Brockman, qui, lui, a le travail d'aller dans des tournois, dans des showcases, de discuter avec des entraîneurs midget. Et c'est comme ça qu'on reconstruit l'équipe. On passe des entrevues avec des joueurs, mais les joueurs ne sont pas protégés par aucune équipe. Et souvent, c'est des joueurs aussi qui décident, par exemple, sont retranchés par les Pats de Regina ou d'autres équipes de la Ligue majeure de l'Ouest et qui décident l'avenue de la Junior A. Et c'est comme ça qu'on a construit l'équipe. Il y a seulement deux joueurs qui sont de retour par rapport à l'an passé. Nathan Ostrick, lui, c'est une belle histoire, l'entraîneur-chef, qui est un gars de Regina, qui a joué 65 parties dans la Ligue nationale, mais il jouait beaucoup aussi dans les ligues mineures. Il était l'an passé entraîneur adjoint dans la East Coast League en Georgie. Okay. Imaginez-vous, c'était loin de chez lui. Ouais. Justement, lui, là, il y a une entrevue qu'il a accordée à plusieurs journaux qui disait que lui, il se considère comme un missionnaire de construire cette formation-là parce qu'il a la passion du hockey et il est fier d'être Saskatchewanais. C'est pour ça qu'il veut œuvrer. Okay. œuvrer au sein de cette organisation-là. Et c'est comme ça qu'on a reconstruit, évidemment, l'équipe. La Ligue junior majeure, mais en fait, la Ligue junior A de la Saskatchewan a changé un peu ses règles dans le recrutement ou dans les sous-contrats de certains joueurs. Et c'est comme ça qu'on a réussi à placer une équipe sur la glace hier avec une défaite de 2-1 face aux Hawks de Nipawin. OK. Dis-moi, c'est sûr que tu es basé à Edmonton, donc tu n'es pas en mesure de me dire tout, mais de ce que tu entends, Marc-Éric, est-ce que l'équipe va être assez compétitive pareil? Ah oui, oui. Moi, j'ai fait mon tour à Humboldt durant l'été. J'ai couvert la Coupe Memorial à Regina où j'ai discuté avec tout le monde de l'association de hockey en Saskatchewan. OK. Nathan Oshkrick a dit qu'il va sûrement être compétitif. Compétitif, ça veut dire quoi? Est-ce que l'équipe va réussir à se qualifier pour les séries éliminatoires? C'est le but. Mais là, ça, c'est peut-être trop loin là dans les réalités. Nathan Oshkrick avait hâte que le match d'hier se passe. Là, on passe à autre chose. Ben oui. Mais là, aussi, les gros défis pour cette équipe-là, c'est de reprendre l'autobus pour des matchs à l'étranger. Ouais, Ça, c'est la crainte, c'est la peur, évidemment, c'est tout ça. Et c'est ça des prochaines étapes. L'équipe sera compétitive et nous l'a prouvé hier. L'équipe avait quand même une bonne cohésion de jeu. Ils ont deux assez bons gardiens de but. Et Oshkrick connaît très, très bien le hockey. Là, il était quand même dans les rangs professionnels durant toute sa carrière. Il était assistant entraîneur dans la East Coast League. C'est quand même un niveau assez bon du hockey, là, si on compare au hockey junior. Alors que moi, je crois que l'équipe sera surprenante et elle aura une motivation de plus que les autres, c'est-à-dire de créer des petits miracles à chaque soir que l'équipe va affronter les formations adverses. C'est vraiment intéressant. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. C'est sûr que hier, moi, ce que je craignais, c'est qu'on fasse un show, puis non, ça s'est bien fait du côté de TSN. C'est une bonne idée. C'était un show, mais un show dans le respect. Oui, c'est exactement. Marc-Éric, je veux te parler en terminant d'une autre annonce qui s'est faite à Calgary, les Jeux olympiques. Là, actuellement, on y va d'un projet de 5 milliards pour, je pense, c'est 2026 qu'on vise. 2026, c'est ça, les Jeux d'hiver en 2026. Et là, on a appris ce matin là que la candidature de Sapporo semble se retirer là. Okay. Pour des raisons, pour plusieurs raisons. Là, pour l'instant, le Canada est représenté par Calgary. Là, le conseil municipal, cette semaine, a voté, 13-2, a voté pour un référendum. C'est-à-dire que les citoyens de Calgary vont voter pour oui ou non si on va plus loin dans la candidature de Calgary pour les Jeux olympiques en 2026. Et le vote se fera, Danny, le 13 novembre. OK. Ça dit quoi dans les... Après ça, on va voir comment que Calgary va se situer. Ouais. Ça dit quoi dans la population? Est-ce que les gens sont positifs sur les médias sociaux? La plupart des commentateurs dans les médias sont pro-Jeux olympiques. OK. Mais il y a des conseillers municipaux qui disent que non, c'est trop cher. Il y a quand même de la pauvreté à Calgary. Il y a de plus en plus de pauvreté. Il y a beaucoup de sans-abri. Les gens ont même la difficulté à garder leur emploi en raison d'économie et tout ça. C'est pas le temps de faire ça. Fait que j'ai hâte de voir. Moi, j'ai l'impression que le vote va passer, là, mais on verra. Et il y a de moins en moins de pays intéressés. Hein. Vous avez vu, la Suisse a voté contre. L'Autriche a voté contre. Là, le Japon se désiste. Là, pour l'instant, il reste 4 projets. Stockholm en Suède, toujours intéressé. Calgary, Canada. La Turquie, qui semble très intéressée. Et aussi, et ça crée un peu de la controverse au CIO, l'Italie veut présenter une candidature, mais avec plusieurs villes importantes. Okay. Tandis que le CIO veut une ville importante. Il ne peut pas avoir 3-4 villes dans la présentation là, d'une soumission des Jeux. Et j'ai hâte de voir si l'Italie fera comme l'Autriche et la Suisse se désister au cours des prochaines semaines. J'ai bien hâte de voir ça, effectivement. Parce que faut parler aussi que Sochi, ça a coûté 50 milliards. Fait, quand on parle que c'est cher, on a baissé quand même pas mal les prix. Oui, parce qu'il y a des infrastructures qu'on va réutiliser. On va construire quelques quelques installations, mais je veux dire, le ski de fond et tout ça, ça se passe à Kenmore et c'est un des plus beaux centres au monde. Évidemment, l'anneau olympique est de réputation internationale. Et évidemment, le ski, évidemment, bon, on est près des montagnes, on a le choix des montagnes. Tout ça fait que, et on a présenté à plusieurs reprises au Parc olympique à Calgary des Coupes du monde de ski acrobatique. Okay. Avec les sœurs du Faux-la-Pointe. Et je pense que c'est pour cette raison-là que CIO aime bien la candidature de Calgary. OK. Ben, Marc-Éric, je vais te laisser aller parce que tu vois, t'es en deux interventions. On va s'en reparler quand il va se passer de quoi. Merci beaucoup. Marc-Éric Bouchard, plaisir. De Radio-Canada Calgary.